Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous remercions le Seigneur. Tunapikia Bwana asante. Pour nous avoir accordé cette journée. Njoo kutupatia ishiku. Afin que nous mettions en profit notre préparation. Kusudi tufaidie jua matayarisho yetu. C'est ainsi que nous saluons chaque frère et chaque sœur au nom de Jésus-Christ. Tunasalimia kila nduku na kila dada mujina Yesu Kristu. Nous en profitons pour saluer nos frères et nos sœurs qui nous suivent en ligne. Tunafaidia njoo kusalimia banduku yetu na badada yetu bale natufuata kupitia internet. Nous allons exploiter au courant de la semaine ici. Kadiri ya juma tutafunda un sermon que Frère Branham a prêché en 1959, intitulé « Un temps de décision ». Nous prenons Genèse 24. Nous vous invitons à vous tenir debout. Nimealika mpate kushimama na tabeba mwanzo sura makumi mbiri na ine. Genèse chapitre 24. Mwanzo sura ya makumi mbiri na ine. Genèse chapitre 24, nous commençons verset 1. Mwanzo makumi mbiri na ine, tunaanzia mstari ya kwanza. Abraham était vieux. Avancé en âge, alikuwa nishazeka na ashakuchofa miaka. L'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Na wamilele alimbariki Ibrahimu mu bitu byote. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison. Abraham akamwambia mtumishi wake ulakuwa nishakawia kabisa mu nyumba yake. L'intendant de tous ses biens. Ule alikuwa anaangalia vitu vyake vyote. Mais je te prie ta weka. Je te prie ta main sous ma cuisse. Ninakusi uweke mkono yangu pa kuisi yangu pa mkulu. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre. Na mimi napenda ulape kupitia wa milele Mungu wa dunia na mbingu. De ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite. Ushoweye mtoto yangu katikati ya Wakananea, katikati yabo bale mionekala. Hapana kuitika kuoa Isaac binti wa imainchi ifashitunekala. Accepter d'épouser pour Isaac une fille cananéenne. Mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. Lakini wende mwichi yangu mtaifa yangu na umbebe Isaka mwanamuke. Verset 57. Musareke ya à la maison lisez tout le chapitre, c'est très bien. Kunyumba musome chapitre musari yote mjima. Verset 57. Ya makumi tano na saba. Alors, il répondit. Sasa akajibu. Bakajibu akajibu. Appelons la jeune fille et consultons la. Twite binti na tupate kumuliza. Ils appelèrent donc Rebecca. Bakamwita basi Rebecca. Et lui dire. Na bakamwambia. Veux-tu aller avec cet homme? Eti unapenda kwenda na umuntu? Elle répondit. Na akajibu. J'irai. Nitaenda. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur, et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham et ses gens. Na bakamwachikia Rebecca kwenda na bidumuluko yake na ule mtumishi wa Ibrahimu. Bakacha Rebecca kwenda na kijaka na ule kwanza kumfanyisha kazi. Avec sa servante. Na mtumishi wa Ibrahim. Et les serviteurs d'Abraham. Verset 60. Il bénit Rebecca et lui dit, oh notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Rebecca se leva avec ses servantes. Rebecca akalamuka na bijakazi yake. Elles montèrent sur les chameaux et suivirent l'homme. Bakapanda pa chameau na bakanza mfuata ule mutu. Et le serviteur amena Rebecca et parti. Na ule mtumishi akaenda na Rebecca. Fremundu atombe Mungu. Fremundu pe prier pour nous. Nous te disons merci, roi et Dieu du ciel. Parce que tu nous as donné encore une belle journée dans notre vie. Parce que dans le monde où nous vivons, il n'y a jamais la chose la plus précieuse que la parole de Dieu. Nous t'invitons que tu puisses descendre. Parce que sans ton esprit, rien ne peut avancer. Puisses-tu saisir ton serviteur. Donne-nous aussi des oreilles spirituelles. Lorsque nous serons dans un seul esprit, nous allons écouter comme écouter les disciples. La parole vient d'être lue. Mais ton esprit est très important pour du début jusqu'à la fin, que tu puisses régner. Tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Bwana Mungu atukuzwe. Un temps de décision. Wakati ya kubeba mipango. Quand vous suivez l'histoire kama mnafuata sur base de laquelle frère Branham a pris ce sujet. Adisi pashina ile ndugu Branham alibebaka. C'était un temps très très précieux. Ilikuwa ni wakati ya damani sana. Abraham. Ibrahim. La Bible dit. Biblia inasema. Il était avancé déjà en âge. Alikuwa ameshakuzeeka sana. Et Abraham, na Ibrahim, savait comment il a eu Isaac. Alijua namna kani alimpata Isaac. Isaac était le produit d'un miracle. Isaac ilikuwa ni matokeo ya majabu. Un produit d'un miracle. Matokeo ya majabu. Abraham était conscient. Ibrahimu alikuwa na zamiri yote alikuwa shajua. Ce jeune homme ici ya kusema ukiana n'est pas venu au monde comme tous les enfants que j'ai ici. Ashikukwe pa dunia saba tutobote nabo mnyumba. Isaac était le produit de la parole. Isaac ilikuwa ni matokeo ya neno. Le produit d'une promesse divine. Matokeo ya malako ya kimungu. Pour qu'Isaac vienne au monde, Isaac akwe mdunia, Dieu Mungu a dû intervenir. Akuya mambo. Pour que toi et moi nous venions à la parole vraie. Oui, na mie tukwe kuneno ya kweli. Dieu Mungu est intervenu. Arisaidia. Vous êtes d'accord? Et mnechika frère nduku. Pour que moi je croie ce message. Mie nipate kuamini ujumbe. Chacun doit dire ça maintenant individuellement. Kila mmoja atapasha kusema pour que moi je croie que ce message est la vérité. Jumi nyamini akusema hii ujumbe ni kweli. Pour que moi je croie. Jumi nyamini que frère Branham est un prophète. Ndugu Branham ni nabii. Pour que moi je croie que frère Frank est un ministère Frank, ni tout à fait particulier. Ya upeke, Dieu, Mungu, Jéhovah est en grâce. Aritumika. Je connais même tous les détails. Na, minajua, na mapuyote, comment j'ai cru ce message. Namna kani, mili amini comment ujube, ce message namna kani, ujube, est venu à moi. Irinifikia. Je n'ai pas adhéré à l'église. Mishikujunge tu kanisa. Quand je dis je n'ai pas adhéré à l'église, mishikujunge au kanisa. Chaque frère, kila nduku, chaque sœur, kila dada, en toi-même, mwao mwenyewe, vérifie comment tu es venu. Unapashi kuangalikisha namna kani ulikuwa kujumbe. Je ne parle pas de moi seul. Mishijiseme juu yangu mimi mwenyewe hapana. Je parle de chaque frère et de chaque sœur. Juu kila nduku na kila dada. Je sais comment je suis venu. Ninajua namna kani ilikuwa kujumbe. Je sais comment j'étais convaincu. Namna kani nilihakikishiwa. Personne ne m'a influencé. Hakuna mtu alinivuta wala kukazisha. Personne ne m'a poussé. Hakuna mtu alinisukuma. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu ambariki. Abraham, Ibrahimu, il savait alijua comment il a eu Ismaël. Alimpata Ismaël. Il savait Alijua. Comment il a eu tous les enfants avec Ketura. Mais pour ce qui est d'Isaac, il y a eu une intervention divine. Dieu est entré en scène. Il y a eu un temps. À cause de la famine, Abraham était même contraint de céder. Non, Abraham Kimo décédé Sarah quelque part. Ya fulani. Et Dieu n'a pas accepté que Sarah soit touchée. Ashkuchike Sarah bamuguse. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu embariki. C'est que pour Abraham. Je commande en Dieu Ibrahim. Il a eu beaucoup d'enfants. Alikuwa na watoto ba mingi. Mais Isaac était spécial. Lakini Isaac alikuwa wa kipekee. C'est que à cause d'Isaac, Abraham dit non. Abraham a sema pana. Tous ses enfants peuvent se marier comme ils veulent. Banaweza kuoana bile banapenda. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais kufanya bile bote banapenda. Mais Isaac a choisi. Je sais comment j'ai eu ce garçon. Minayua namna kanipata ukiana. Je connais toutes les péripéties. Ma fashi yote ni pita. Mumatua yote mule tunatembea naye. Ma fashi yote tu. Il a eu un jour. Na lakini kwa siku moja. Dieu lui-même. Mungu yeye peke yake. Alishuka. Il dit à Abraham. Anamwambia Ibrahim. Genèse 22. Mwanzo makumi mbili na mbili. Genèse 22. Mwanzo sura makumi mbili na mbili. Chapitre verset 1. Mstari ya kwanza. Après ces choses, kisha ibintu, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Mungu akampima Ibrahimu. Akamujaribu. Nakamwambia. Et lui dit, Abraham. Abraham. Il répondit. Akajibu. Mais voici. Nye huyu bwana. Dieu dit. Mungu anasema. Prends ton fils. Beba mwana wako. Ton unique. Wa upeke. Est-ce qu'Abraham avait un seul fils? Abraham alikuwa mtoto paka ule moya. Parce qu'il y avait Ismaël. Juu kulikuwa Ismaël mbele ya Isaac. Comment Dieu peut-il parler comme ça? Namna kani Mungu anaweza kusema vile. L'unique que tu as. Ule mwana wa pekee ulokunaye. Juu ya Mungu. Le véritable fils d'Abraham. Mtoto wa byakweru wa Ibrahim. Ilikuwa ni Isaac. Amen. Que le Seigneur bénisse. Bwana Mungu embariki. Ton unique. Wa upeke. Celui que tu aimes bien. Ule unamupenda sana. Isaac. Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Wende kuincha Morija. Et là. Na pale. Offre-le. Unitole. En holocauste. Sawa sadaka. Sur l'une des montagnes. Kama mulima moya. Que je te dirai. Ile mimi takwambia. Mais Isaac était là. Lakini, et plutôt Ismaël était là. Regardez comment Dieu Mwangare, parle. C'était l'enfant de l'amour. C'était l'unique enfant qui Abraham a reçu naye mu roho yake. Genèse 25. Mwanzo makumi mbili na tano. Genèse 25. Mwanzo makumi mbili na tano. Verset 1. Mstari ya kwanza. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Abraham akabeba mwanamke mwingine banaita sima Ketura. Elle lui enfanta Zimram, Jokshan, Medan, Madian, Jishbak et Shua. Akamzaria Jikshan, akamzaria tous ses enfants. Verset 5. Mstari ya tano. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Lakini Ibrahim akapatia mari yake yote Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Na akapatia mazawadi kwa watoto wa baba yake. Hapana baba. Mu Bible ba concubine ni banani. Ba maîtresse, ba bibi yake bengine. Et tandis qu'il vivait encore, na sabili alikuwa naishi tena, il les envoya loin de son fils Isaac. Du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Na akabatuma mbari na Isaac muinchi ya kuasubui. Est-ce que vous lisez? Eti mungu nasoma. Tout c'est bien. Ma mari ya yote. C'est-à-dire l'héritier principal. Muriti wa byakweri. C'est Isaac. Ilikuwa ni Isaac. Oui. Toi. Beba bambouji. Bon, tu vas prendre tes chèvres. Beba naibi. Et prends ça. Toka wende. Sors ici et va-t'en. Frère, qui peut faire ça? Tu chasses tous tes enfants. Tu les éloignes. Pour qu'Isaac reste seul. Et que Isaac lui hérite tous les biens akwe muriti wa mari yote humainement parlant kimuntu c'est de l'injustice ni kuchakuzi wakuzi biologiquement sont tes enfants mukumubumuntu ni batutake bote. Pourquoi a-t-il fait ça? Isaac était un enfant spécial. Nous sommes des enfants spéciaux. Vous croyez ça? Amen. Ah, il faut rien mieux. Il faut croire en toi-même. Je suis spécial. Frère. À cause de moi, Dieu au ciel. Peut permettre que Kambofu soit prospère. Maintenant, si tu ne te crois pas, tant pis pour toi. Tant que mes pieds sont encore à Kambofu, même si on doit bombarder Kambofu, mais à cause de ma présence à Kambofu, Dieu stoppera ça. Les autres n'acceptent pas. Tu n'es pas sûr. Alors, tu ne sais pas comment Dieu t'a appris. Les élus savent ce qu'il vaut, ce qu'il valent. À cause d'un élu sur la cité de Kambo, Dieu peut faire changer le déroulement des événements à Kambo. Mungu anaweza kubadilisha maandamano ya mambo mkambo. J'ai besoin que maintenant tu as que nous croyons ainsi avant d'avancer. Mbele ya shi tuendele. À cause d'un élu, Dieu peut susciter des ministères. Dieu permettra qu'il y ait tous les ministères qu'il y a dans le corps. Dieu permettra. À cause de ce pourquoi Dieu tient beaucoup au perfectionnement de saint. Dieu permettra ça. C'est ainsi que vous voyez Abraham. Conscient de cela. Frère, vous allez vous demander quand Abraham montait avec Isaac. Ibrahim ranza kupanda na Isaac kumo Morija kumlima. Il savait ce qu'il allait faire. Abraham alijua kile kunaenda kufanya. Il savait qu'il fallait mourir. Alijua kusema ifai kuchinja mtoto. Mais Abraham avait une assurance. Ibrahim alikuwa na hakikisho moya que cet enfant mtoto je l'ai eu. Nilimpata de manière miraculeuse. Unana ya miujiza. Et Dieu na Mungu a promis alirula ka kusema que par cet enfant mutoto, le Messie, Messia, le sauveur du monde entier viendra par sa postérité. Comme il demande qu'on le tue, Dieu est dans l'obligation de le ressusciter. Pourquoi? Si Isaac mourait, mais le plan du salut est chute. Abraham savait. Abraham on en a changé tout ça, tout le monde disait. Abraham, Abraham avait compris le plan du salut. Que le Messie, Dieu, en tant qu'homme, pour venir dans le monde, doit venir par la descendance d'Isaac. Maintenant, il me demande moi de tuer cet enfant. Je vais le faire. Mais maintenant, lui, son plan de salut, il a voulu qu'il sauve l'humanité. Maintenant, lui-même veut annuler le plan du salut. Je sais que Dieu ne peut pas annuler le plan du salut. Il va s'arranger pour que cet enfant revienne à la vie. C'est pourquoi il était sérieux. Il savait que je vais le tuer, mais Dieu est puissant pour le ramener à la vie. Pourquoi? Il est porteur de la promesse du plan du salut. Est-ce que les gens comprennent? Qui porte la promesse du plan de Dieu? Moi, je porte la promesse. Moi, je prends ça. À cause de moi, Jésus est retenu aussi. Jésus Christ, à cause de moi, Dieu a rétabli la parole. Frère, maintenant, comment Michel a pas Rome si je n'ai pas le Saint-Esprit, l'oufou la mort arrive. Dieu est obligé d'arrêter la mort. Pourquoi? Il m'a connu d'avance. C'est ça comme maintenant, si tu ne crois pas ainsi, guérison divine à Outeyami, tu ne croiras jamais à la guérison divine. Kama mi si apata Roho Mtakatifu. Kama ni ngari mtumwa manjani. Maintenant mimi kuna tafuta deliverance. Lufu lo lunakuya. Cancer inenivamba. Dieu est obligé de me guérir. Pourquoi? Que j'aie d'abord le Saint-Esprit. Kama waamini vile. Habiko nguvu kwenda kumbili. C'est très difficile d'aller au ciel. Moi je suis spécial. Vous devez croire que vous êtes spécial. Frère, attends, motoka inaanza kuanguka. Je veux faire l'accident avec vous. Je suis tranquille. Moi je demande le, tout l'accomplissement du plan de salut. Je jeûne, je prie pour devenir un chrétien. Mais la chose n'a pas encore été accomplie. Dieu doit se débrouiller, arrêter la mort. Parce que j'ai besoin d'accomplir quelque chose. Bon embarque. Que le Seigneur bénisse. Il faut réaminer. Vous devez croire comme ça. Dans la foi, imani, il faut se croire. Il faut se croire. Il faut se croire. Si tu ne te crois kama pas, mambo ya Mungu hautavancer. Les affaires de Dieu, tu n'avanceras jamais au tu dois croire que je suis spécial. Comme Isaac. C'est pourquoi la Bible dit, dans Galates, je crois, chapitre 4, comme Isaac, ça va Isaac. Vous êtes Muko, des enfants de la promesse. Batoto, bamalako, c'est-à-dire, Mousema, vous êtes comme Isaac. Muko, ça, Isaac. Maintenant, vous-même ça, tournez le regard vers Isaac. Mwangaresa Isaac. Tous les événements qui pouvaient arriver dans la vie d'Isaac. Mandamano yote yanafika maisha ya Isaac. Jehovah devait veiller sur alipasha kukesha yule ile. Maintenant, si Isaac aujourd'hui, qu'est-ce qu'il doit faire Jehovah? Jehovah anapasha kufanya nini? Ce qu'il a fait là-bas, bila fanyaka pale. C'est ce qu'il doit faire aujourd'hui. Bila anapasha kufanya leo. Puisqu'il est le même. Tu eko yepe kide kule mwamoya. Ah, pas si hata mambo yote ya nguvu mimi nikala na simu. Même si les choses deviennent difficiles, je vais rester calme. Il y a un œil qui veille. C'est que peu corrige le moi et qu'on a kesha yulu yangu. Na Isaac autrefois. Isaac zamani était un enfant tranquille. Alikuwa mtoto mwenye utulizano. Son papa lui dit. Babake anamwambia. Ils arrivent à la montagne. Anafika kumulima. Il dit père. Anambia baba. Mbao michi yoni. Nous avons les bois. Maintenant, kondo kuchinje kwa. Maintenant, où est l'agneau? Baba qui a demandé ce kondo. Son père lui dit l'agneau. C'est toi. Oui. Isaac a semé sa voix. Isaac a dit ah, ça a kuna mambo. Je sais que je suis porteur de promesses. Niko mwenye kushika malako. Qui a donné les promesses? Nana yaleta malako. Jehova. Jehova. Il a demandé comme tu. Na alomba aniue. Mais il annule le plan du salut. Ah, anajimisha mapo ya wokovu anashimamisha. Or qu'a-t-il dit? Yapo, alisema nini? Les cieux et la terre passeront. Bim, pita, mes paroles, la kini ma sauti ne passeront point. Pita kamu, Baba, unyue, Seigneur, il va cesser de devenir, il va cesser d'être Dieu. Atacha kuya mungu, na mungu. Parce qu'il dit dans Esaïe 55. Mes paroles, masauti yangu, quand elles sortent de ma bouche, yangu, ne rentrent jamais dans moi sans effet. Bila matokeo non, yaki, lui a déjà promis que toutes les nations de la terre seront bénis à Abraham par ta postérité. Maintenant, je suis cette postérité-là. Lui demande comme l'écriture d'Esaïe 55, il est dit, tes paroles ne rentrent jamais à toi sans effet. Mais tu demandes comme tu. Comment vas-tu t'arranger? Ou t'as pas Abraham ou toi mwingine? Tu vas donner encore à Abraham. Or, le choix de Dieu était sur Isaac. C'était sur Isaac. Et quoi, il y a Isaac? Mutoto la ririamini. L'enfant qui croyait en lui-même. Aririamini. Il croyait en lui-même. Vous allez vous demander. Comment Isaac a choufan kefouj? Namnakani, Isaac ne s'est pas débattu. C'est la foi. Et quoi, Nimani? La foi en quoi? Il croyait qu'il était cet enfant-là par qui le Messie viendrait. Le plan du salut devait s'accomplir dans sa lignée. Maintenant, tuer Isaac, c'est annuler le plan du salut. C'est lui qui doit aller au ciel, c'est moi. Kama mimi nakufa. Si moi je mourrais, épouse. Il n'y aura jamais d'épouse comme Bibi Arusi Mkambo. Vous devez croire comme ça. Kama wona kufwa, si toi tu mourrais, les morts en Christ, Christ toi, mire, peut-être c'est moi. Les vierges sages, bah, bikira, bah, qui sont vierges sages, bah, bikira, bah, kima, kumbingu, c'est qui doivent aller au ciel vivant. Dieu doit se débrouiller. Je vais lui dire, j'accepte de mourir. Alors, les morts en Christ, c'est de moi qu'il est question. Donc, ce n'est pas toi. Les vierges sages, c'est de moi qu'il est question. Bah, kima, ni miye. Aina we. Si c'est moi. Moi, j'ai besoin d'avoir le Saint-Esprit. C'est toi qui m'avais appelé. Alors, tu me donnes d'abord le Saint-Esprit. Et puis, je vais mourir. Les élus Bateoule dialoguent avec Dieu. Balasumburiaka na Mungu. Pourquoi? Dieu anini. La foi Imani nous rassure. Que Dieu m'a appelé. Il y a des choses que nous nous sommes dit. Les gens regardent, ils disent, ah, c'est difficile. C'est difficile si tu n'es pas chrétien. Un enfant de Dieu, pour lui, c'est la vérité. Quand vous allez à genoux, lorsqu'on est parler à Dieu, on a pas comme quelqu'un que vous connaissez, qui vous a appelé, dites-lui, ah, c'est toi qui m'as appelé. Regarde, comment le péché m'embrouille. Regarde comment ma vie est. Toi, tu n'échoues rien. Bonne que le Seigneur bénisse. Parlez à Dieu comme quelqu'un que vous connaissez. Vous avez des engagements avec lui. Deuxième Samuel. Samuel ou Apiri. Deuxième Samuel, chapitre 23. Samuel Apiri, sura makumi mbiri na tatu. Mon mambo ya mungu, frère, kama les choses de Dieu, si tu ne te crois pas, il faut d'abord dire tu es venu à la foi, ça doit être réel. Si tu avais suivi seulement le mouvement, je ne sais pas, ces choses ici ne te concernent pas. Ces choses concernent ceux que Dieu a attirés. 2 Samuel, chapitre 23. Voici les dernières paroles de David. Mone, misemo ya mwisho ya Daudi. Paroles de David, fils d'Isaï. Neno ya Daudi, mwana wa Isaï. Paroles de l'homme haut placé. Maneno ya mtu mwenye kwa juu. De loin du Dieu de Jacob. Mbali na Mungu wa Yakobo. Du chantre agréable d'Israël. Upako wa Mungu wa Yakobo, mwimbaji wa L'esprit de l'Éternel parle par moi. Ro ya wa milele ikunasema kupitia mie. Pekwako bantu saba David hapo. Ya est-ce qu'il y a les hommes comme David ici? Est-ce que bantu ba hivi kwa kwa? Est-ce que les gens pareils ils sont ici? Et sa parole est sur ma langue. Na neno la Mungu iko yulu ya rurimi yangu. Le Dieu d'Israël a parlé. Wa Israeli alisema. Le rocher d'Israël m'a dit. Mwamba wa Israeli aliniambia. T'as-tu parlé aussi? Et alikusemezea na wewe. Unaona comment ma sauti yake ya mwisho? Voyez comment il parlait ces derniers mots. J'accepte de mourir. Mais Mungu aliniambia hivi. Mais Dieu m'a dit ceci. Niku mupakariwa wake. Je suis loin. Roho yake natumikaka yulu yangu. Son esprit travaille sur moi. Niku mwimbaji wa wamilele. Je suis le chantre de l'Éternel. Unasikia unasema babangu babangu na mamangu baranzu nipeleka kwa kodini. Mimi aliko dini. Bwanangu aranzu nyambe twende kwa kodini. Mimi me disais d'aller au dini. Ni mambo ya upekee. Ça c'est individuel. Le rocher d'Israël m'a dit. Mwamba wa Israeli aliniambia. Celui qui règne parmi les hommes avec justice. Ule ekonatawala katikati ya batu na uaki. Celui qui règne dans la crainte de Dieu. Ule ekonatawala katikati ya boka ya Mungu. Et pareil à la lumière du matin. Na eko vile vile na nuru ya mapambazuko ya asubuhi. Mwakati jua inangaza. La matinée na, et sans nuage. Na asubuhi aina na mawingu. Allons directement, je ne voudrais pas prendre le commentaire, je vais me déborder. Je vais sortir de mon sujet. N'allait-il pas ainsi et Abinavile de ma maison devant Dieu? Na nyumba yangu kumbele ya Mungu. Est-ce que Abinavile na nyumba yangu ni David? Avec ma maison moi David. Na Mungu Jehovah? Avec le Jehovah. Puisqu'il a fait avec moi. Sa ville alitenda na mie. Alifanya na mie. Alifanya na mie. Une alliance éternelle. Agano ya milele. En tout point. Mukila nukta bien réglé. Yenye kupangwa mzuri. Kama mina lukula. Si je tombe malade. Eko na kila relax. Il a ce qu'il a promis. Kama mina kosa byakula. Si je manque à manger. Eko na kila relax. Il a quelque chose qu'il avait déjà promis. Kama niko mumateso. Si je suis dans le. Eko na bila relax. Il a quelque chose qu'il avait promis. Kama bwanangu anenyambuye. Mina enda kwake. Eko na bila relax. Il a quelque chose qu'il avait promis. Si les enfants sont devenus rebelles. Eko na bila relax. Il a quelque chose qu'il a promis. Une alliance. Agano. Dans tout le point. Yema nuta yote. Bien réglé. Yenye kupangwa mzuri. Kama bintu binakuwa ngumu. Si les choses deviennent difficiles. Je vais faire ça. Parce que wewe parce que toi et moi nous sommes dans l'alliance. Si tu restes sans être marié ou épousé, ne t'inquiète pas. Moi-même je vais m'en occuper. Si tu n'as pas d'enfants, moi-même je vais m'en occuper. Si tu n'as pas de travail, moi-même je vais m'en occuper. Est-ce qu'il y a des hommes pareils? Voyez, ça donne du goût maintenant d'être enfant de Dieu. Si tu n'es pas enfant on de Dieu, toi tu viens comme ça, Mandamano, ces choses ne te concernent pas. Une alliance, Agano, mumambo yote, à tout point, kile basha il y a quelque chose qu'on avait déjà préparé. Kila kintu mumambo yote. Chaque chose, dans chaque chose, Mungu kuna kila insha kusema. Dieu a toujours quelque chose qu'il avait, il a déjà dit sur ce sujet. Et c'est ce que moi je suis. Regardez. Mangarien. Et en tout point bien réglé. Offrant pleine sécurité. Na ashakuleta utele ya ukingo. C'est-à-dire, musema, dans cette alliance. Nikuna garantie. Nikuna tikisho, j'ai une garantie. Frère Mundu Tesemaje. Offrant en. Offrant pleine sécurité. À chaque coulée, t'as Okingo Hotel. Je vais là, ça va. Okingo Hotel. Regardez. Ne fera-t-il pas régner tout mon salut? Ne fera-t-il pas germer tout mon salut? Eti, Ashitaweza kuchipusha okoviangyote. Qu'est-ce que cela veut dire? Nikuse manini manaki. Mambo. Si j'ai des problèmes. Ast intervenir. Et il va pas intervenir. Ast insaidia. Faire germer le salut. Kuchipusha okovu. C'est-à-dire m'assurer cela la victoire. Asha kunyakikishia ushindi. Kama nikuna mambo. Si j'ai des problèmes. Il doit m'assurer la victoire. Anapasha kunyakikishia ushindi. Est-ce que bantu banashikia? Est-ce que les gens ont compris? Kama nikuna mambo. Si j'ai des problèmes. Faire germer le salut. Le salut c'est quoi? Okovu ni nini? La victoire? Ni ushindi. Ne fera-t-il pas germer le salut? Ashita chipusha okovu. Ata pala pana kintu. Même là où il y a rien. Il doit se débrouiller. Mais anapasha kufanya yote wezekanayo. Que je sois vainqueur. Juu nikuwa mshindaji. Comment puis-je vaincre? Namna kanimita shinda. Soyez dans l'alliance. Mukuye katika agano. Pour être dans l'alliance. Juu ya kuya muagano. Il faut naître de lui. Inafai uzaliko kupitia yeye. Et porter la marque. Bebe chapa. Le signe d'alliance. Nous alama ya agano. Quand tu vas te demander comment je puis vaincre? Namna kanimita kushinda. Soyez dans l'alliance. Kuya ndani ya agano. Dans la, ne soyez pas dans le kambo tabernacle. Kuya mukambo tabernacle. Soyez dans l'alliance. Kuya muagano. Et portez la marque. Bebe chapa. La marque que vous chapa portez. Ile muna, muna beba. Vous assure la victoire. Iko nimehakikishia ushindi. Dieu doit entrer en scène. Anapasha kuingia mkaji. Pour que je sois vainqueur. Juu mimi niko mshindaji. Pourquoi? Juu nini? Parce que je suis dans la. Juu niko ndani agano. Alors lui, tu pour être dans la. Tukombane njoo tukwe mwagano. Regardez, ne serait-il pas germé? Eti awezi kuchipusha. Tout mon salut. Oko vyanguyote. Tout mon salut. Na oko vyanguyote. Non seulement cela. Apana paka ile. Et tous mes désirs. Na ma mania yangu yote kutaka kwangu kote. Mina penda ni kuye ko na nyumba. Je vais avoir une maison. C'est un désir. Ni kutni mania ni kutaka. Je veux que mes enfants puissent étudier correctement, qu'ils soient intelligents, ni mania, ni gars. Je veux que nous puissions vivre en paix dans notre maison. C'est un désir. Ni mania. Comme il garantit ça. Et qu'il y a aussi un désir. Mania. Kutaka, j'ai aussi un désir. Niko na mina kutaka kwangu, d'être mania en paix dans la maison. Nikuwe musalama munyumba yangu. J'ai aussi un désir. Na niko na kumkutaka. D'avoir quand même des enfants. Je, napenda na mimi niko na watoto. C'est un désir. Niko kutaka nako. J'ai un désir. Niko na mania. Nyowe ko na mimi. Que je puisse aussi me marier. Nikapata. Ah, c'est une explosion. Kapata. C'est une explosion. Il faut qu'on m'organise ça. Tu dois être dans l'alliance. Isaac était spécial. Isaac, lui, il était à Kipeke. Maintenant. Ça. Oui, ou quoi spécial. Toi, tu es ou quoi Kipeke. Tu es venu comment? Namna Kanurkuya, Kuimani. Puisque Isaac. Du, Isaac. Savait comment il est venu. Namna Kanier, comme Dionia. Il est même témoin. Na, et comme Shuda. Que. Yakusema. Notre père, avant sa mort. Et qu'on est mbele alufu lwake. Il a donné tous les, aux autres les dons. Avec instruction que allez très loin. Ne gênez pas Isaac. Isaac. Les démons savent que c'est celui-ci c'est un Eli. Celui-ci c'est un Eli. Que nous allons loin, qu'on puisse s'éloigner de lui. Maintenant, Nanakani, ma démona, il a convaincre sa tête de vaincre. Or, ma démona, connaissent les Eli. Inajua bateule muzuri. Et ils vont très loin. Na beko na kimbi ambari. Si il n'en est pas ainsi. Kama ina vile. Oui, ce qui fait ma démon est venue. Ina tembea. Ina kuchezea. C'est jour de toi. Banenda la kuita ma démon ngena se mulu tuku tende. Oui, il y a même d'autres démons pour dire qu'il est le nôtre. Frère. Donc vivons de manière unamna, à ce que les démons s'éloignent de nous. Yende mbari na chie. Banakuya bana se hawu. C'est toi qui veux provoquer ces messieurs. Puis, moi, j'avais déjà, je suis passé par là. Accepter, c'est moi de mentir, n'accepte pas. Maintenant, toi, tu vas lui pousser jusqu'à l'adultère. Non, mimi nenda kubi. Ma démon, ils vont commencer à se dire. Moi, dembele, mais moi, je suis passé par là, mais moi, j'ai pas. Les démons peuvent dire ça, toi. Est-ce que les démons, on va les pousser, manjou, y'a kovile? Vous voyez? Maintenant, si les démons n'existent pas comme ça, tu es devenu l'ordure des démons. Tu es dans quelle alliance? Toi, tu es dans l'alliance avec le Kambov Tabernacle. Au lieu d'être en alliance avec Jéhovah, c'est un temps de se décider. Soit on entre dans l'alliance, soit tu restes dans le Kambov Tabernacle. Les enfants de Dieu qui sont ici, s'ils écoutent des choses comme ça, ils disent, Namnakani, les démons se jouent de moi. Que le Seigneur bénisse. Frère, Duku, Dieu, tant que le plan du salut n'est pas encore accompli, à l'égard d'un élu ou d'une élue. Voilà, Dieu n'est pas tranquille. Mungu asheka, Dieu doit donner de l'inspiration. Pourquoi? Le ministère est suscité pour ton perfectionnement. Maintenant, toi sur qui Dieu compte, tu n'es pas encore au baptême du Saint-Esprit. Dieu doit se débrouiller. Il compte beaucoup sur toi. Il compte beaucoup sur toi. Esaïe 62. Esaïe makumisita nambiri. Esaïe 62. Esaïe makumi si mon Christ ou Abia Kweri, un chrétien véritable. Anayriwa kakusema, il se connaît, il sait que. Ima sauti mina shikia leo. Les paroles que je viens d'écouter aujourd'hui. Mais comment est-ce que nous agirons? Namna kani na tenda kaiv comme ça. Comment mina semaka ni kuna fadi tout ça bumba. J'agis comme un insensé. Il portera le regard. Ata machuya kitangaria. Sur Isaac. Yulu ya Isaac. Utenda wewe mwenye kufuyer la vie d'Isaac. Allez fouiller maisha ya Isaac. Unasema alors. Tu vas te dire. Niko bumbafu. Je suis insensé. Je ne comprends rien. Michelleo ekintu. Isaac bana mwambia kusema. Isaac on lui a dit. Kondole tutachinja huko kumulima tuiko. L'agneau que nous allons immoler ici à la montagne. Ni weye. C'est toi. Mais weye. Maintenant toi. Bana kwambia sime jeune fille mtoto ya Mungu. Binti enfant de Dieu. Et on les prend en mariage par un chrétien. Mais tu n'as pas besoin frère. Je n'ai pas besoin de frère. Ça prouve que tu n'es pas Isaac. Il n'est pas Isaac. Auna Isaac. Oui, il va remonter parce que quand je t'ai tachinja. Lui, on lui avait dit c'est toi qu'on va immoler. Il était tranquille. Il était à quoi monsieur Kutuliza. Mais toi, tu n'es pas tranquille. Mais toi, pourquoi Auna monsieur Kutuliza? Tous les jeunes gens touchent ton corps. Biana bote bena bamba bamba mwili yako. Isaac ou bien quoi? Un Isaac véritable. Comment n'ayez que c'est moi? Lui, si c'est que. Kufata ma film pornographique. Suivre ma film ya je vais fuyer et mon esprit. Minta chafisha, et mon corps. Yangu, et ma vie. Na maisha yangu. Il n'en fera pas un problème. Ah, yata kwa mambo si, s'il me faut vivre. Kama inafai niishi. Sans être connecté sur YouTube. Bila kukuyua pa internet. Ça va. Ni muzuri. Pourquoi? Juani. Je suis porteur de promesses. Miko na malako. Vile message na kataza tuanze kufuata ma série télévisée. Sabile ujumbe interdit de suivre ma série. Kama ni kuishi bila se kufuata ka série télévisée, mjo vile nitavivre. Si c'est vivre sans suivre les séries télévisées, mita vivre comme ça. Et mon cœur est tranquille. Na oyangu kwenye utulizana. Pourquoi? Juani. Les promesses que je porte. Malako ile misha kubeba. Inashindo ima film na vitu vya ba Manseba. Tout ce qui est comme de Manseba, les films télévisés. Bon, mon mambo wa futubolo. Muku kubaya kani bukwa. Le match, le football. Tu t'agites parce que tu n'es pas Isaac. Uko na luka luka njua una Isaac. Isaac on lui a dit. Isaac lui on lui avait dit ba mwambia. Michioi. Le bois est là. Yote biko hapo. Ya tu on a dit. Wakuwa ni weye. C'est lui qu'on doit immoler, c'est toi. Asema ça va, papa. Il y a un problème. Je suis porteur de promesses. Niko mwenye kubeba malako. Sasa weye. Arrêtez tout mambo ya football. Arrêtez ce mambo ya IDPS. Arrêtez l'histoire des IDPS et peut perdre on a quoi on a kuluka luka. Kwacha mambo ya bukatange na bukasa tu t'agis. Arrêtez l'histoire tribale on a luka luka. Nous ça nous arrange. Comme Dieu a parlé ainsi. C'est à cause de nous. Et nous sommes tranquilles. Nous allons vivre comme ça. Nous allons vivre comme ça. Bila kufata ma série. Mita vivre ville. Moi je vais vivre comme taishi comme ville. Mita vivre ville. Je vais taishi comme ça. Ville sauti ya Mungu inasema. La parole de Dieu. Kushimanga ni kubaya. Me dire c'est mauvais. Ça va. Ok, j'accepte ça. Mine chika ville. Je prie. Na mina omba. Je travaille. Mina tumika. En fonction de ne plus être dans la médisance et dans la calomnie. Kushimangana. Bonne mbariki. Que le Seigneur bénisse. Esaïe 62. Esaïe makumi sita nambiri. Verset 1. Mustareka kwanza. Pour l'amour de Sion. Juu ya mapendo ya Siona. Je ne vais pas m'éteindre. Nishezi kukala kimya. Pour l'amour de tel frère, juu ya mapendo ya ndugu fulani, de telle sœur, ya dada fulani, Dieu promet, Mungu analaka, que je ne vais pas ya kusema mishi tekala kinya, je vais susciter des ministères, je vais donner de l'inspiration. Pourquoi Dieu veut voir ton salut? Dieu veut te voir arriver au baptême du Saint-Esprit. Comme on a comprendre bien. Si un homme comprend très bien. C'est à cause de moi que Dieu fait tout ça. Alors, j'arrête aussi toutes ces choses. L'impudité, je vais arrêter. Il m'envoie quoi dans les jeunes garçons, babouana, mine biatch. Avoir des copains, des jeunes garçons, j'arrête. Il m'envoie ni à kutakata, mine biatch. Histoire d'amplifier les corps, j'arrête. M'envoie à bouillir, mine biatch. Histoire de voler. Comme c'est à cause de moi. Si Dieu n'y a, Dieu se dérange. Mungu eko nejie angaika. Minacha. Je vais arrêter. Pour l'amour de Jérusalem, je m'appelle à Jérusalem, je ne prendrai point de repos. Jusqu'à ce que son salut soit puisse apparaître, qu'il soit sauvé réellement. Et Dieu dit, je ne suis pas tranquille. Que le Seigneur bénisse. Maintenant, qu'est-ce que toi on te demande? Oui, Esaïe 57. Esaïe makumi tano na saba. Je m'excuse, Esaïe. Attendez. Chungye kidoko. Non. Oui, Esaïe 51. Esaïe makumi tano na moja. Esaïe 51. Makumi tano na moja. Verset 1, 2. Ça est quand on a pire. Écoutez-moi. Vous qui poursuivez la justice. Vous qui voulez aller dans l'enlèvement. Vous qui voulez avoir le Saint-Esprit. Est-ce que c'est tout le monde? Non, non. C'est seulement ceux-là qui veulent aller dans l'enlèvement. Écoutez maintenant. Qu'est-ce que Dieu dit? Mungu anasema nini? À ceux qui sont comme Isaac. Bale beko nye kwasa Isaac. À ceux qui veulent aller à tout prix dans l'enlèvement. Qui veulent avoir le Saint-Esprit. Kuya na omtakatifu. Pour, oui. Vous qui poursuivez la justice. Qui cherchait l'Éternel. Est-ce qu'y a-t-il des frères et des sœurs qui veulent Dieu dans leur cœur? Maintenant, écoutez. Que devons-nous faire? Porter le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé. Mwangarie kumwamba ile mulichongolewa. Mkeuke, mwangarie Yesu Christ. Regardez à Jésus Christ. Njo mwamba kule mulitoka mwebote. Vous êtes tous sortis. Est-ce que nous kukeuka pour faire ça? Ndio tumeona. Et regardez, dit oui, je cours, je vois. Bino naanza kufanya. C'est que tu fais là. Tu mwangarie Yesu asina. Hivi niko nafanya kama Yesu alikuwa mjenzi atakufanya. Si Jésus Christ était là, il pouvait agir comme ça. Il veut garçon, tu vas d'accepter les Dieu va t'accepter. Lui aussi, il pouvait agir comme ça. Il veut que je veux parler. Est-ce que Jésus Christ, papa, Dieu Yesu place, il pouvait agir ainsi. Mais portez le regard vers le rocher d'où vous êtes né. Kule murizarikiwa. Yesu mu salon. Jésus Christ au salon. Et on a fait ma film à Benzien. En train de suivre les films indiens. Jésus. Ah. Pose-toi la question. Yesu aussi, il est en train d'amplifier le corps, en train d'éclaircir. Yesu anedi connecté. Jésus-Christ se connecte pendant longtemps. Vendredi kuyako di connecté kumbingu. Viens te connecter. Yesu analofa kumaombi. Jésus-Christ s'absente à la prière. Yesu anenda kumbingu. À la fin, Jésus-Christ sera enlevé. Photocopie à Yesu ou bien Yesu? Ni picture Yesu ou bien c'est Jésus lui-même. Porter le regard, Mwangaria, c'est-à-dire regarder comment lui s'est comporté. Maintenant, dans une circonstance comme celle-ci, on a agi. Yesu a parti faire. Jésus-Christ pouvait agir comme ça. Maintenant, tournez-vous, regardez. En se tournant vers Jésus, nous nous tournons vers la parole. Situation, ça dit la parole? Jésus est la parole. Jésus-Christ, nous avons déjà commis des forfaits. Au lieu de regarder à Christ, Paris, pas congaré à quoi Christ. Apana, non, je suis aussi humain. Effectivement, vous êtes humain. Mais qu'est-ce qu'on nous demande? Nous devons regarder Jésus-Christ pour qu'en toutes choses, qu'on agisse comme lui. Vous qui cherchez l'éternel, maintenant regardez Jésus, agissez comme Jésus. Vous cherchez l'éternel, vous cherchez à voir le Saint-Esprit, regardez Jésus, c'est lui le modèle. Tu crois pas? C'est tout ça que vous dites. Vous avez déjà commis des forfaits. Elle agit en mal envers moi, la soeur. Mon mari et moi. Je ne peux pas accepter. Mais tu regardes à qui? Tu, à l'homme, ton mari. À, muntu, à la soeur, au frère. Dada, à ton voisin, à ta voisine. Wako, tu regardes à quoi? Isaac était spécial. Isaac a quoi qui péché? Lui-même, Isaac savait que je suis spécial. Il y a un Nico à qui péché. Arrange qu'on ne regarde pas les bandits. Regardez ses frères. Ils ont fait un peu de mal. Ils peuvent tout faire. Mais pas moi. Ils peuvent se marier comme ils veulent. Les jeunes filles d'Ismaël. Elles peuvent se prostituer. Attends-moi qu'à un jeune garçon, un mois, avec un garçon pendant un mois, il n'y a pas de problème. Mais non, pas la fille d'Isaac. Nous. Non, à Pana. Nous. Pana. Nous. À Pana. Portez les regards sur le rocher. D'où vous avez été taillé. Est-ce que peut-être frère Baleba en tout cas quoi Jésus Christ? Et tous bandeaux qui ont été tirés de Jésus Christ et des sœurs qui ont été tirées de Jésus. Dieu veut tout en faire quoi? C'est de cette façon que nous agissons. Est-ce que nous regardons sur tout point à Jésus Christ? Nous regardons nos opinions. Si tu n'engarais comme nos opinions, vous t'as senti nos pensées. Moi, je vois si tu nous voyons conformément avec la parole de Dieu, nous devons faire ce que la parole de Dieu nous dit. Isaac, en son jour, son père lui dit, Dieu t'a demandé, toi. C'est ce que dit la parole. Je voulais ça va. Okay. Alors, on est fondé en campagne. Alors, vous aimez lire. Pourquoi me tuer, Dieu a la parole, Neno, le message du temps, Jumbe, a dit, offre-moi Isaac. On est tolé, Isaac. Que dit le message aujourd'hui? Jumbe, Léo, c'est ce que nous faisons. Et tu veux tout en faire? Je n'en. Voyez. Le message dit une chose. Les jeunes filles font autre chose. Le message dit une chose. Les jeunes gens font autre chose. Le message dit une chose. Dans le couple, les gens font autre chose. Est-ce que sommes-nous de la semence d'Isaac? Verset 2. Portez les regards sur Abraham. Mwangarie yulu Ibrahimu baba enu. Et sur Sarah. Na yulu a Sarah. Qui vous a enfanté. Ula mizala. Car lui seul. Kwani ye peke yake. Je l'ai appelé. Mirimuita. Je l'ai béni. Mirumbariki. Et multiplié. Na kumuzidisha. Nous faisons des histoires très vaines. Maintenant. Sasa. Un enfant de Dieu véritable, s'il entend des choses pareilles, je dois me décider. Avant qu'il culte ici, quand j'irai à genoux, je dois me décider. Soit, voilà, je suis un enfant de Dieu, la postérité d'Aïe, soit je ne suis pas enfant de Dieu. Or, pour moi, je suis venu ici pour être enfant de Dieu. un temps ni wakati où il faut se décider. Napasha kubaya mipango. Faut se décider. Napasha kubaya mipango. Soit on est de Dieu. Voilà, tukuba, tukuba, tukuba, soit vous avez été tiré voilà, du rocher Christ. Tosha kumwamba ya Kristo. Soit vous êtes de Kambof Tabernacle. Voilà, Mungu wa Kambof Tabernacle. Kama kuwa Mungu. Si tu es de Dieu. Allez, ibito bishman. Shimamisha. Ibumbafu yote shman. Spitilité. Imama kariota désordre shimame. La colère en désordre ça doit s'arrêter. Ima manière kuagir vishimame. Façon ima namna kutenda comme ça qui ça puisse s'arrêter. Kama unaona tu unakuwa paka sasa. Tashindwa frère. Je saurais pas. Hauna mtoto ya Mungu. Tu n'es pas enfant de Dieu. Les enfants de Dieu ils disent. Comme Dieu a parlé. Ça veut dire Mungu anasema. Dieu est de notre côté. Mungu kungambo yetu. Amen. Amen. Nombre 20, 21. Esabu makumi mbiri na moja. L'histoire de douze espions. Bale ba pelelezi kuna mbiri. Combien? 14, je crois. Oui, nombre 14. Esabu makumi kumi na tano. Nombre 14, verset 6. Esabu. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, na katikati ya bale baenda kupeleleza hichi, Josué, fils de Nun. Joshua, fils mutoto wa Nun. Caleb, fils de Jephunné. Na Caleb, mutoto wa Jephunné. Déchirèrent leurs vêtements. Bakapasula mangua yabo. Et parlèrent ainsi à na toute l'assemblée des enfants d'Israël. Kambia kunjota hizi batuta Israël. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bah, c'est manin. Message tunashikia ni bya kweli. Le message que nous avons écouté est vrai. Mungu ni wa bya kweli. Dieu, il est vrai. Message ni wa bya kweli. Message est réel. C'est ce que eux ont dit en leur temps. Dieu, il est basé ma mwakati yao. Le pays que nous avons parcouru, in Chile, pour l'explorer, Jok Peleleza, est un pays très bon et excellent. Ni inchi moya mzuri kabisa. Sauti ya Mungu ni la parole de Dieu est vraie. Na iku ya c'est bon. Bato, ba Josué na ba Caleb ba leo. Josué et le Caleb d'aujourd'hui. Kama na ngara bila ranza kufanya. Lorsqu'il regarde à ce qu'il faisait avant. Na bile ba dada beko na fanya na banduku. Le sœur et les frères font. Anahuzunika. Il regrette. Mais pourtant, ça outil à mon goût. La parole de Dieu est réelle. C'est nous qui commettons des forfaits. Il regrette. Si l'Éternel nous est favorable. Kama wamilele. Eko ngambo yetu. Vile wamilele. Ce n'est même pas, ce n'est pas bien traduit. On ne peut pas dire kama. Si, non, non. Comme l'Éternel est favorable avec sa ville ou à Milele et comme le Jésus Christ, frère, à chaque unité, ça m'a dit. Le Jésus Christ m'a déjà fait quitter des dominations. Naïbi Minaskani Manelo et Mungu. Je suis arrivé ici et ce que j'écoute, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas y retourner dans l'ancienne vie. Je ne peux pas accepter moi mon corps. Tel que ce garçon m'a touché, il est le dernier. Je n'accepterai plus jamais qu'il ne me touche. Je vais voler pour la dernière fois. Kushimanga kule nchimanga je kwa mwisho. Sauti ya Mungu ni ya kweli. La parole de Dieu est vraie. Pas qu'on expérimente biba. Mina pasha kuonja ce qui vient de dire. Un temps de décision. Ni wakati ya kubea mipango. Comme l'Éternel est avec nous. Si, on est tous à Moumisri. Il nous a fait sortir de l'Égypte. Tout n'a tambouka jusqu'à nous avons traversé jusqu'ici. Je veux dire, faut imaginer. Et que je puisse faire encore de folie. Il y a cause de ma série télévisée. Il y a des séries télévisées. Il y a cause de la prière vendredi. Je manque même la prière le vendredi. Je ne peux pas aller à Boutakata. Pour juste éclaircir la peau. Pour friser les cheveux. Non. La parole de Dieu est vraie. Je dois arrêter. Tout ce que j'ai écouté pendant ces jours, moi, ça n'est fini. Les enfants de Dieu réels, véritables, et ils disent, ça n'est assez. kunenea ibi nilifanya jusque leo asubuhi. J'avais fait jusque ce matin. Hapa niko na luria. Là, quand je veux rentrer, niko na tengeneza. Je vais arranger ça. Niko na tengeneza. Je vais arranger ça. Mimi naenda kupasule ma photo. Briser ces photos. Et ma DVD na ma flash DVD, je mets tout pas. Ces disques si je vais jeter. Oh, effacer à pas mais dans tout pour les toilettes. Je pas jeter dans les toilettes. Ni perdre. Que je puisse comment tu fais ça quand que tu enda ku mbingu bila ma flash mine chika. Manquer d'aller au ciel sans des flashs. Anne dans la bébé Android, Android. Ça va partir alors je t'en fous ça, je ne suis pas. Maintenant, il y a application mine toche. Application j'enlève. Facebook mine toque après. Je sors. Mina ba kiana kitu flani. Je vais rester avec ça. Kama ibi vitenkosesha kwenda kumbi. Ces choses ici vont nous faire rater. Mais la parole. Mais neno le pays que nous avons visité. Est un bon pays. Inchi ya mzuri. Un pays excellent. Na iko inchi ya mzuri kabisa. La parole que nous avons entendue. Tunashikia. C'est la vérité. Ni ukweli. Et c'est l'excellence. Na njoo ya ukweli kabisa. Le message. Ujumbe. C'est l'excellence. Njoo ujumbe ya ukweli kabisa. Mina chika kushimamisha. J'accepte de tout arrêter. Comme l'Éternel nous est favorable. Savile kongambo yetu. Mita zari kwa malapi. Je vais naître de nouveau. Na mita pata Rome takatifu. Et j'aurai le Saint-Esprit. Mina pasha kupata Rome takatifu. Je dois recevoir le Saint-Esprit. Kama kuku kufunga chakula na mita gêner, moi aussi je vais gêner. Hakuna m'excuse tena. Il y a pas kujisabia. Parce que Mungu ako ngambo yetu. Dieu est de notre côté. Quand Dieu envoie une parole. Mungu anatuma neno. Wakati Mungu la musha mabili. Donc kusema Mungu ako na moyo. Maintenant agissez là même. Tende kufika pale pale. Posez des actes concrets. Tende kufatana na ile. N'hésitez pas. Usipate kushika shita. Faites comme Josué. Fanya paka sa Joshua na Caleb. Nous entrerons. Parce que Imanzambi ces péchés ici ne nous fera rien. Je vais poser des questions. Quoi ça marche maintenant? Ami Kumutoto ya Mungu. Je serai enfant de Dieu. Mais Dieu à moi, je serai capable. Je veux le tromper sur ça. C'est comme ça que nous devons parler. Un temps. Wakati. Où il faut se décider. Où ne tu m'as pas sauvé mes pangs. Bwana amibariki. Que le Seigneur vous bénisse. Faut se décider. Ma pas chabé amipango. Kama kuwa Mungu. Si tu es de Dieu, beba amipango. Accepte de prendre des décisions. Beba amipango. Prends la décision. Dichika frère. J'ai accepté. Kama unaona kusema munyumba yako. Télévision Dieu n'a pas quoi. Télévision qui vous achope. Frère, on y peut descendre la bébé télévision. Prends, donne-moi des centimes. Nyone quand tu akufa bila télévision. Je vais voir si je vais mourir sans la télé. Kama mimi naona kusema ni vitu fulani. Saba nione quand tu kufa ili kitu kitoke. C'est juste ce qui d'abord de ma maison, je vois si je vais mourir. Comme Dieu nous est favorable. Comme Dieu est de mon côté. Je vais agir. Mitatenda. Nione quand tu kufa. Je vois si je vais mourir. Est-ce qu'il y a-t-il des hommes et femmes comme ça? Kukubana ume na banamuki ba hivi? Isaac. Isaac savait qu'il est spécial. Arrivé kusema eko akipeke. On a pas chakujua kusema. Wewe uko akipeke. Et la parole? Na neno la Mungu. Que nous entendons. Ce message. Ujumbe. Est spécial. Iko akipeke. Que le Seigneur. Bwana Mungu amibariki. Inatushi ndakufa tutashimama. Mapenduya. Ke Mungu kweli. Mapendoa. Ayana pita mapendo ye tu sisiwa alimutu mabwana Yesu kutoka kwake mbinguni kutotafuta wenye zambi tupate kosa. Enatoshe nakufahamu mapendo haya makubwa lakini tu najua kweli yatabakia daima. Tutaomba Mungu shibuni. Prions Dieu tous ensemble.